Chapitre 5e, le Mouski. Lorsqu'on a tourné la rue en laissant à gauche le bâtiment des Haras, on commence à sentir l'animation de la grande ville. La chaussée qui fait le tour de la place de l'Esbekieh n'a qu'une maigre allée d'arbres pour vous protéger du soleil, mais déjà de grandes et hautes maisons de pierre découpent en zigzag les rayons poudreux qu'ils projettent sur un seul côté de la rue. Le lieu est d'ordinaire très frayé, très bruyant, très encombré de marchands d'oranges, de bananes et de canne à sucre encore verte, dont le peuple mâche avec délice la pulpe sucrée. Il y a aussi des chanteurs, des lutteurs et des psys qui ont de gros serpents roulés autour du cou. Là, enfin, se produit un spectacle qui réalise certaines images des songes drôlatiques de Rabelais. Un vieillard jovial fait danser avec le genou de petites figures dont le corps est traversé d'une ficelle comme celle que montrent nos savoyards, mais qui se livre à des pantomimes beaucoup moins décentes. Ce n'est pourtant pas là l'illustre Carageuse, qui ne se produit d'ordinaire que sous forme d'ombre chinoise. Un cercle émerveillé de femmes, d'enfants et de militaires applaudit naïvement ces marionnettes éhontées. Ailleurs, c'est un montreur de singes qui a dressé un énorme cynocéphale à répondre avec un bâton aux attaques des chiens errants de la ville, que les enfants excitent contre lui. Plus loin, la voie se rétrécit et s'assombrit par l'élévation des édifices. Voici à gauche le couvent des derviches tourneurs, lesquels donnent publiquement une séance tous les mardis. Puis une vaste porte cochère, au-dessus de laquelle on admire un grand crocodile empaillé, signale la maison d'où partent les voitures qui traversent le désert du Caire à Suez. Ce sont des voitures très légères, dont la forme rappelle celle du prosaïque coucou. Les ouvertures, largement découpées, livrent tout passage au vent et à la poussière. C'est une nécessité, sans doute. Les roues de fer présentent un double système de rayons, partant de chaque extrémité du moyeu, pour aller se rejoindre sur le cercle étroit qui remplace les jantes. Ces roues singulières coupent le sol plutôt qu'elles ne s'y posent. Mais passons. Voici à droite un cabaret chrétien, c'est-à-dire un vaste cellier, où l'on donne à boire sur des tonneaux. Devant la porte se tient habituellement un mortel à face enluminée et à longue moustache qui représente avec majesté le franc autochtone, la race, pour mieux dire, qui appartient à l'Orient. Qui sait s'il est maltais, italien, espagnol ou marseillais d'origine? Ce qui est sûr, c'est que son dédain pour les costumes du pays et la conscience qu'il a de la supériorité des modes européennes l'ont induit en des raffinements qui donnent une certaine originalité à sa garde-robe délabrée. Sur une renagote bleue dont les Anglaises effrangées ont depuis longtemps fait divorce avec leurs boutons, il a eu l'idée d'attacher des torsades de ficelles qui se croisent comme des brandebourgs. Son pantalon rouge s'emboîte dans un reste de bottes fortes armées d'éperons. Un vaste col de chemise et un chapeau blanc bossu à retroussi vert adoucissent ce que ce costume aurait de trop martial et lui restituent son caractère civil. Quant au nerf de bœuf qu'il tient à la main, c'est encore un privilège des Francs et des Turcs qui s'exerce trop souvent aux dépens des épaules du pauvre et patient fellah. Presque en face du cabaret, la vue plonge dans une impasse étroite où rampe un mendiant aux pieds et aux mains coupées. Ce pauvre diable implore la charité des Anglais, qui passent à chaque instant. Car l'hôtel Vagorn est situé dans cette ruelle obscure qui de plus conduit au théâtre du Caire et au cabinet de lecture de M. Bonhomme, annoncé par un vaste écriteau peint en lettres françaises. Tous les plaisirs de la civilisation se résument là, et ce n'est pas de quoi causer grande envie aux Arabes. En poursuivant notre route, nous rencontrons à gauche une maison à face architecturale, sculptée et brodée d'arabesques peintes, unique réconfort jusqu'ici de l'artiste et du poète. Ensuite, la rue forme un coude, et il faut lutter pendant 20 pas contre un encombrement perpétuel d'ânes, de chiens, de chameaux, de marchands de concombres et de femmes vendant du pain. Les ânes galopent, les chameaux mugissent, les chiens se maintiennent obstinément rangés en espalier le long des portes de 3 bouchers. Ce petit coin ne manquerait pas de physionomie arabe si l'on apercevait en face de soi l'écriteau d'une trattoria remplie d'Italiens et de Maltais. C'est qu'en face de nous, voici dans tout son luxe la grande rue commerçante du quartier franc, vulgairement nommée le Mouski. La première partie, à moitié couverte de toiles et de planches, présente 2 rangées de boutiques bien garnies où toutes les nations européennes exposent leurs produits les plus usuels. L'Angleterre domine pour les étoffes et la vaisselle, l'Allemagne pour les draps, la France pour les modes, Marseille pour les épiceries, les viandes conservées et les menus objets d'assortiment. Je ne cite point Marseille avec la France, car dans le Levant, on ne tarde pas à s'apercevoir que les Marseillais forment une nation à part. Ceci dit, dans le sens le plus favorable d'ailleurs. Parmi les boutiques où l'industrie européenne attire de son mieux les plus riches habitants du Caire, les Turcs réformistes ainsi que les Coptes et les Grecs, plus facilement accessibles à nos habitudes, il y a une brasserie anglaise où l'on peut aller contrarier, à l'aide du madère, du porter ou de l'ale, l'action parfois émolliante des eaux du Nil. Un autre lieu de refuge contre la vie orientale est la pharmacie Castagnol, où très souvent les beys, les mouchirs et les nazirs originaires de Paris viennent s'entretenir avec les voyageurs et retrouver un souvenir de la patrie. On n'est pas étonné de voir les chaises de l'officine et même les bancs extérieurs se garnir d'orientaux douteux, à la poitrine chargée d'étoiles en brillant, qui causent en français et lisent les journaux, tandis que des saïs tiennent tout près à leur disposition des chevaux fringants aux selles brodées d'or. Cette affluence s'explique aussi par le voisinage de la poste Franck, située dans l'impasse qui aboutit à l'hôtel d'Omergue. On vient attendre tous les jours la correspondance et les nouvelles, qui arrivent de loin en loin, selon l'état des routes ou la diligence des messagers. Le bateau à vapeur anglais ne remonte le Nil qu'une fois par mois. Je touche au but de mon itinéraire, car je rencontre à la pharmacie Castagnol mon peintre de l'hôtel français qui fait préparer du chlorure d'or pour son daguerréotype. Il me propose de venir avec lui prendre un point de vue dans la ville. Je donne donc congé au drogman, qui se hâte d'aller s'installer dans la brasserie anglaise, ayant pris, je le crains, du contact de ses précédents maîtres, un goût immodéré pour la bière forte et le whisky. En acceptant la promenade proposée, je complotais une idée plus belle encore. C'était de me faire conduire au point le plus embrouillé de la ville, d'abandonner le peintre à ses travaux, et puis d'errer à l'aventure sans interprète et sans compagnon. Voilà ce que je n'avais pu obtenir jusque-là. Le drogman se prétendant indispensable, et tous les Européens que j'avais rencontrés me proposant de me faire voir les beautés de la ville. Il faut avoir un peu parcouru le Midi pour connaître toute la portée de cette hypocrite proposition. Vous croyez que l'aimable résident se fait guide par bonté d'âme. Détrompez-vous. Il n'a rien à faire, il s'ennuie horriblement. Il a besoin de vous pour l'amuser, pour le distraire, pour lui faire la conversation. Mais il ne vous montrera rien que vous n'eussiez trouvé du premier coup. Même il ne connaît point sa ville, il n'a pas d'idée de ce qui s'y passe. Il cherche un but de promenade et un moyen de vous ennuyer de ses remarques et de s'amuser des vôtres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une belle perspective, un monument, un détail curieux, sans le hasard, sans l'imprévu? Un préjugé des Européens du Caire, c'est de ne pouvoir faire 10 pas sans monter sur un âne escorté d'un ânier. Les ânes sont fort beaux, j'en conviens, trottent et galopent à merveille. L'ânier vous sert de cavasse et fait écarter la foule en criant « Ah ah, inaglac, xmalac !» Ce qui veut dire « à droite, à gauche ». Les femmes ayant l'oreille ou la tête plus dure que les autres passants, l'ânier crie à tout moment « Ya bind, eh, femme !» d'un ton impérieux qui fait bien sentir la supériorité du sexe masculin.